Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Question. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Ces commentaires ont eu beaucoup de bruit à travers le Québec. C'est l'ancien joueur des Nordiques de Québec, Dave Pichette, qui a mentionné que peut-être que le Canadien n'est pas nécessairement friand à ce que les Nordiques renaissent. Et je pense qu'il a dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Quoi qu'il en soit, on va lui parler. Salut Dave. Bonjour. Dave, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Effectivement, je pense que, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis qu'il y a d'autres choses aussi. Je pense que Québécois, dans ce dossier-là, je suis pas sûr que c'est le meilleur porteur de ballon. Mais écoute, là, c'est logique, là, dans le fond, que le Canadien voudrait pas trop les Nordiques. On l'a vécu en 79 lorsqu'ils sont revenus, puis lorsqu'ils ont dit qu'ils sont arrivés, puis ça pourrait être très bien que ça se passe en 2017, hein? Ben, écoutez, dans un premier temps, ce que j'ai mentionné aux gens, j'ai dit qu'il y avait des gens proches de Québec. J'ai jamais mentionné le Canadien, hein. J'ai dit qu'il y a des gens proches de Québec, mais tu sais, c'est bien évident que ça a marché qu'à partir de Montréal, mais il y a aussi Boston qui sont pas nécessairement... Le propriétaire des Bruins de Boston a été assez clair dans ses commentaires que de dire que Québec, c'est un petit marché. Mais tu sais, Montréal s'est approprié le marché de Québec, je veux dire, depuis la disparition des Nordiques en 95. C'est eux autres qui sont appropriés. Tu sais, la génération qui ont connu les Nordiques, là, les jeunes ne l'ont pas connu. Donc aujourd'hui, c'est le Canadien. C'est le Canadien qui a pris la place parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de hockey au Québec, à Québec et au Québec, là, dans l'est de la province. Dans notre temps, il y a beaucoup de gens du Saguenay qui venait voir les matchs des Nordiques. Alors, je suis persuadé que ce serait un peu la même chose encore si un club revenait aujourd'hui à Québec. Donc, le Canadien s'est approprié ce marché-là. Puis, tu sais, c'est rendu une grosse business, le hockey, aujourd'hui. Là, on parle de il n'y a pas juste les matchs que tu vas assister. Tu as le marketing, la publicité, la vente de gilets, les produits dérivés. Tu as la bière qui est là-dedans. Alors, dans le temps des Nordiques, qui était propriétaire par la brasserie O'Keefe, mais c'était O'Keefe contre Molson. Ouais. Alors aujourd'hui, Molson a pris un peu la place de O'Keefe. Et puis, tu sais, si un club revient à Québec, j'ai l'impression que ce serait la brasserie Labatt qui serait le commanditaire. Donc, on repart dans une guerre de bière, on repart dans une guerre de téléphonie avec Bell et Vidéotron. Alors, c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement très ouverts à ce que le club revienne. Puis on le voit par la Ligue nationale, la manière qu'ils agissent, là. Ils regardent des nouveaux marchés. Ils regardent un marché comme Seattle, comme Houston. Donc, c'est des marchés qui sont des nouveaux pour eux autres. La Ligue nationale n'est pas présente dans ces marchés-là. Contrairement à Québec, où Montréal est un peu présent, là, par la force des choses. Oui. Dave, qu'est-ce que tu penses des Québécois? Moi, je pense qu'il était vraiment, au début, il était intéressé. Mais là, je suis de moins en moins certain qu'ils sont intéressés. Tu sais, c'est rendu de quoi? On parle de 700 millions de franchises de la Ligue nationale, 650 millions. C'est que t'en penses, Québécois? Ben, moi, je pense que c'est des bons propriétaires potentiels pour la Ligue. Vous savez que Québécois, il y a un club à faire marcher, mais il y a tous des produits qui entourent, là, comme je le mentionnais tantôt. Québécois sont propriétaires de journaux, sont propriétaires de téléphonie avec les téléphones et tout ça. Donc, c'est des endroits, des journaux, c'est des endroits où ce que la publicité va être... les revenus vont augmenter un peu partout. Donc, c'est un propriétaire, c'est un bon propriétaire pour opérer une franchise de la Ligue nationale. Ils ont un poste de sport actuellement que, si on rajoute un club à Québec, leur poste de sport. Tu sais, ils présentent les Canadiens, mais ils pourraient présenter les Nordiques aussi. Donc, ils augmentent l'offre qu'ils ont des clubs de la Ligue nationale. Ils augmentent le budget de publicité, les revenus de publicité, tout ça. Donc, c'est un très bon propriétaire pour la ville de Québec. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent acheter un club de la Ligue nationale au Québec, là. Ouais, c'est sûr. Puis à Québec. Alors, eux autres, ils administrent le nouvel amphithéâtre. Alors, ils ont tout intérêt à avoir un nouveau club de la Ligue nationale à Québec pour, un, faire fonctionner l'amphithéâtre encore plus, augmenter leurs revenus dans toutes les sphères, que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télévision et tout ça. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent augmenter leurs revenus. Et puis, je pense ils ont décidé d'aller dans cette avenue-là il y a plusieurs années. Là, c'est pas une décision que tu dis, ben OK, cette année, on y va, puis ça marche pas, on ira plus. Ils se sont engagés quand même avec l'amphithéâtre et puis à d'autres endroits pour avoir un club de la Ligue nationale. Donc, je suis persuadé qu'ils font tous les efforts nécessaires pour qu'un club revienne à Québec. Dave, si on parlait un peu maintenant du côté, je veux te poser une question. Est-ce qu'on sait compter des histoires? Moi, je pense que oui, là. Et j'étais un tueur. Rappelle-toi, en 2011, il y a eu la marche bleue, il y a eu bien des affaires. Les Coyotes de Phoenix allaient nulle part. TVA Sport, on a vu arriver la naissance de TVA Sport et plusieurs autres aspects. Est-ce qu'on sait compter des histoires? Parce que, dans le fond, là, Gary Bettman n'a jamais, ou très peu parlé de Québec. Faut être deux pour te danser, là. Ouais, mais... le maire l'a rencontré. On n'était pas dans ces discussions privées là qui ont eu lieu entre le maire et la ville de Québec. Et Québécois aussi ont fait des démarches là avant d'embarquer là-dedans. Puis c'est bien sûr que, sincèrement là, moi j'ai cru que lorsqu'il y a eu un vote à la ville de Phoenix pour le club, savoir s'il renouvelait l'entente là. Le vote a fini 3-2 de mémoire là. Ouais. Je pense que si ça passait pas ce soir, cette soirée-là là. Je pense que Québec était dans une position à ce moment-là d'avoir un club rapidement. Mmh. Alors, je pense que, tu sais, on a un amphithéâtre, on est prêt à recevoir un club, on a une infrastructure ici, tu sais, Québécois administre les remparts, puis le club junior à Montréal. Donc, ils ont pris de l'expérience au niveau de l'administration d'un club de hockey, même si un club de la Ligue nationale, c'est plus gros. Ils ont quand même une bonne base avec les clubs de juniors majeurs. Donc, j'y aurais cru, moi, à ce moment-là. Je croyais on sincèrement que cru, on y a tout cru. Ben oui. Dave, je me rappelle, on se disait, pourquoi TVA Sport est né? C'était logique, mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait rien, là. Et ils perdent 20 millions par année, 21 millions encore. Ça fait quoi? Ça fait 140 millions qu'ils ont perdu depuis le début de TVA Sport. C'est énorme, là. C'est effectivement, mais de là l'importance pour eux, je pense, d'avoir un club de Ligue nationale qui va leur permettre d'augmenter leurs revenus, avoir de meilleures présentations de matchs. Vous savez, ils présentent beaucoup de matchs de la Ligue nationale, mais les gens ne sont pas nécessairement tous intéressés à voir tous les matchs de la Ligue nationale. La base de clients potentiels et d'amateurs de hockey, si on avait un club à Québec, serait beaucoup plus grande que de garder un club, une game Columbus-Nashville, par exemple. Ben oui, c'est clair. Dave, y crois-tu encore? J'y crois encore, mais je crois que j'y crois plus avec un transfert d'une équipe. Une équipe qui serait en difficulté ou qui devrait retrouver un nouveau marché. Vous savez, M. Bettman et la direction de la Ligue ont parlé beaucoup de non-équilibre entre l'Est et l'Ouest, mais si on va chercher des clubs à Seattle et puis à Houston, ben le déséquilibre va se faire vis-à-vis de l'Est. Alors, ouais. c'est pas improbable que dans le futur, peut-être un club puisse penser revenir à Québec, mais vous savez, en 79, Montréal s'était opposé au retour des Nordiques et puis ça a quasiment pris un boycott des produits Molson pour qu'à un moment donné, la direction change son fusil d'épaule. Alors, c'est sûr que Montréal, ils ont un bon marché à Québec. Pour eux, c'est un marché qui est important pour eux, mais pour nous, les amateurs de hockey, c'est bien évident qu'on aimerait ça avoir un retour des,